Bon, Benji, là, tu déconnes. Comment tu veux que je chante là-dessus? Hein? Je crois que j'allais me faire un thé. Oui. Tu vois? It means my English is perfect. Thank you. Hey. Mais c'est terrible. Mais vous avez vu le truc que vous faites, hein, c'est un truc de fou. Allez, commande Strato. Joue, play. I know one best of this. Salut. I know one best of this. J'adore ça, Queen. Like to bust the dust. Ah oui, c'était ça. C'était ça là, je m'en rappelais plus. I don't want to bust the dust because I'm not your maid. Ta-da-da. What? Si j'avais un... Do you know this? Strato, you're going to bad website. Okay, allez, on no va comment. Chut. Ah, pas bien. Ok. No comment, Strato. J'arrive pas vraiment mon micro. J'ai pas de pied au micro. Salut, Joe. Shalom. T'as qu'à le tenir dans la main. T'as qu'à le mettre dans ta bouche. Ce drummer a un problème. C'est ce que je fais. Roxanne. Bon. Max. Please, could you play a guitar riff? Simple guitar riff to sing. You chose chords. Eh oui. Eh oui. Or I play guitar. Mr. Strato is demanded on Toto. It's better you don't have a mic. Gaz. Oui, ben. We're spending the wine of a day. Oh, ben, ben, alors Gaz, il a arrêté la musique, Gaz. Gasoline. Ouais, Gaz. Gaz, il, c'est... Il est pas que synchro. Yes, fuck the BP. Strato. Strato. Fuck BP. Your... Bon, your avec Stratocaster, on fait des... on fait des bonnes musiques. Un choquette. Je prends la guitare, je fais du rock and roll. Oui, j'ai une strato moi aussi. Too bad. All what I read about you today, oh my god, I'm shocked. Thank you.